Je vous raconte l'histoire. Le musée est l'espace qui occupe le Musée national d'art moderne au Guatemala. Et ça a été créé pour fêter l'anniversaire du dictateur Ubico, c'est-à-dire en 1939. Et ils sont des phases qui s'y sont passées jusqu'à 1968, au moment où la collection d'archéologie, art plastique et histoire naturelle sont arrivés à cet endroit. Et à partir de 1975, se sont divisés en face le musée d'archéologie, dans l'autre immeuble, musée d'histoire naturelle, et ici, ça restait comme musée national d'art moderne. C'est jusqu'à 1989 que s'est baptisé le musée avec le nom de Carlos Mérida, qui est un des artistes les plus connus du Guatemala. Mais toute sa vie, il a vécu à Mexique, mais guatémaltèque. Et donc, en honneur à son travail, à son œuvre, le musée s'appelle Musée national d'art moderne Carlos Mérida. Le chauffage qu'on voit là c'est quelque chose de très spécial parce que en fait l'immeuble est catalogué comme patrimoine A de la nation, c'est-à-dire c'est patrimonial, donc on ne peut pas le détruire, l'altérer parce que c'est un délit. Et maintenant, on est en train de réparer le toit parce qu'il y avait des filtrations. En fait, c'est un chantier dans ce moment. Mais ici, c'est l'espace où non seulement on présente la collection du musée, c'est un siècle d'art visuel, sinon, à la même fois, nous avons des expositions temporelles. On a reçu des grands peintres de toute Latino-Amérique, même Tapies, il est venu, il a exposé. Donc maintenant, on attend d'abord finir tout l'extérieur pour commencer le nouveau guion muséographique. Voilà, ça c'est à peu près la petite histoire du musée. En fait, les chauffages aussi, et c'est influencé par l'art mudéjar, d'accord? Que Solomon, par exemple, à Toledo ou à Segovia, on trouve ce type de toit, de plafond, d'accord? Et donc, pour nous, c'est quelque chose de très précis. Et en principe, la fin septembre. Mais je crois qu'on est en retard, donc peut-être ça sera l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine, et donc voilà. Nous avons à peu près 984 mètres carrés d'espace. Mais maintenant, on pense habiliter tous les couloirs, parce que ce que vous voyez là, c'est la terrasse espagnole. Là, on peut marcher. Là, on peut marcher. On fait le tour de la nef centrale, que c'est celle-là. Et à côté, si vous voyez, il y a 50 de fenêtres. C'est le claristoire. C'est la illumination des églises de la Moyen-Âge pour avoir une lumière tempérée. Mais ici, on pense qu'on va utiliser tous les couloirs autour pour agrandir les salles d'exposition. En principe, c'est ça le projet, mais on est en train de voir jusqu'à où est-ce qu'on va arriver. En plus, bientôt, il y aura des élections et on ne sait pas qu'est-ce qui se va passer après. Voilà. Et là, par exemple, dans ce moment-là, nous avons gardé toute la collection du musée dans ce côté-là, d'accord? Et là, nous avons toutes les bureaux administratifs. Oui. Et on est en train de travailler à tous les côtés. Si vous voulez, on peut marcher un petit peu là.